Le charmeur de chevaux par Alfred de Sauvenière. Chapitre 1er. C'est vers 1720 que fut amené en Angleterre le fameux étlon arabe Godolphin, qui allia son sang de prince du désert à celui d'une jument anglo-saxonne. Godolphin l'arabe et Bartlett Childers l'anglaise sont les ancêtres de tous les héros qui ont passé sur les turfs anglais et français et qui ont illustré les grands prix d'Epsom, de Paris, de Newmarket ou de Chantilly. Les deux chevaux appartenaient au haras du duc de Cumberland, et l'élevage de leurs descendants, qui formèrent une race nouvelle, fut pendant longtemps un privilège de la noble famille. En 1765, le duc de Cumberland, petit-fils de celui qui avait fait venir Godolphin des confins éloignés du Sahara, était le plus grand éleveur de chevaux et le sportsman le plus accompli d'Angleterre. Il suivait brillamment les traditions de sa lignée. Aucun sacrifice d'argent ne lui coûtait pour se rendre propriétaire des plus marquantes célébrités du turf. Mais les produits de la race nouvelle, les purs sangs, comme on les avait déjà appelés, ne s'utilisaient pas avec facilité. La plupart d'entre eux se montraient rétifs, intraitables et totalement rebelles aux modes d'entraînement à leur en usage. Ces modes consistaient surtout en application d'appareils de coercition. Mort double ou triple, chanfrein à pointe d'acier, enraînement multiplié, etc. Malgré tous ces moyens violents, réussissant parfaitement avec les autres chevaux, la grande majorité des pur-sangs se montrait impropre aux joutes hippiques, aux tournois de vitesse et de force, aux courses, en un mot. Le caractère, presque intraitable de cette race de chevaux, créée dans sa famille et qui était d'une beauté exceptionnelle, tourmentait fort le duc de Cumberland. Il rêvait sans cesse aux moyens employés pour modifier un tel état de choses. Par un joli matin d'avril, le noble lord revenait seul de la petite ville d'Epping, près de laquelle ses immenses domaines étaient situés. Monté sur un magnifique cheval de pur sang, il suivit un chemin creux débouchant dans la plaine. Sa monture, qui écumait sous la bride et sous la selle, donnait depuis quelques instants des signes non équivoques d'insubordination et de rébellion. Le duc passait pour un des premiers écuyers d'Angleterre. Aussi sentait-il fort bien que l'animal lui échappait de plus en plus. En effet, soudain, celui-ci frappa avec violence le sol de ses quatre pieds, tira les brides et partit dans un galop furieux, insensé. En quelques bonds, le cheval lui franchit le chemin creux, il s'élança de toute la vitesse de sa course folle vers un bois voisin, où homme et bête devaient fatalement se broyer. Alors le duc, renonçant à maîtriser l'animal emporté, déchaussa ses étriers et, avec autant d'adresse que de sang-froid, il se laissa glisser sur le sol. La vitesse acquise l'envoyait rouler à 20 pieds dans les terres labourées. Il y avait un homme jeune encore, aux vêtements pauvres mais propres, à la mine éveillée, qui était assis à la lisière du bois et déjeunait d'une miche de pain bis qu'il arrosait de quelques gouttes de whisky tirées d'une gourde. L'impétueux pur sang se dirigeait avec la vitesse d'un boulet vers l'endroit où se trouvait le modeste déjeuneur, et il allait s'engouffrer dans le bois. L'homme, qui avait vu la scène précédente, bondit au naseau du cheval, s'accrocha à la bride et se laissa traîner pendant qu'il approchait sa bouche des oreilles baissées du fuyard. Il lui murmura quelques paroles. Ce fut comme un enchantement. Le cheval furieux s'arrêta, le feu de ses yeux s'éteignit, il redressa les oreilles et poussa des hennissements joyeux. L'homme, qui avait opéré ce changement si subit, broussait avec sollicitude de son chapeau de feutre la robe ruisselante de l'animal calmé. Cependant, le duc de Cumberland s'était relevé et accourait, émerveillé par l'action accomplie. « Que diable as-tu fait au cheval, mon brave garçon ? » demanda-t-il, tout en secouant la terre qui s'était attachée aux broderies de son habit. « Par Jupiter, c'est étonnant comme tu as su l'arrêter et calmer. J'ai la grande habitude des chevaux, my lord. » répondit respectueusement l'homme, et il se hâtait d'arranger les brides et de resserrer les sangles de la selle. Le duc le regardait attentivement. « Tu es irlandais, cela se voit, et cela s'entend, » continua-t-il. « Que fais-tu, quel est ton nom ?»« Dan O'Sullivan, my lord, je suis palefrenier de mon état. D'où viens-tu »« De l'ouest irlandais, my lord, du haras de Killarney, où je suis né. »« Comment te trouves-tu ici ?» J'ai été amené en Angleterre par le très honorable Clenarion, il y a 3 semaines. Ah oui, le grand turfiste, qui a ses propriétés au nord de Epping, eh bien ? L'homme baissait les yeux. J'ai bu quelques verres de whisky hier, my lord, balbutia-t-il, et le chef piqueur m'a renvoyé ce matin. est-ce là la seule faute que tu aies commise ? Sur mon honneur, my lord. C'est bien, je te crois. Va-t'en au manoir de Trifty, je t'engage pour les écuries. Qui nommerai-je en me présentant, my lord ? Tu diras que tu rencontrais Robert, duc de Cumberland. Dan O'Sullivan, subitement interloqué, se tira à la maudite irlandaise une mèche de cheveux et frotta son pied droit sur le sol. « c'est bon, interrompit le duc. Et se mettant en selle d'un bond, il ajouta. « Je serai à Trifty avant toi, et je t'annoncerai. »